Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire. Ce soir à Futur Simple, nous allons faire une expérience, nous allons tenter de voir le son. Et pour ce faire, je reçois Dominique Boudreau, coordonnateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques de Québec. Bonjour Dominique. Bonjour François. Alors Dominique, si tu commençais par nous expliquer qu'est-ce que c'est le son? Oui, bien en fait, déjà, peut-être à la base, on a parlé de voir le son. Évidemment, c'est un peu difficile de voir le son à la radio. Mais justement, le médium de la radio est très intéressant parce que on peut parler, évidemment, puis vous entendez ce qu'on dit. Donc, le son est très pertinent dans cette approche-là. Ce qui fait que, disons ça comme ça, définissons le son. Commençons par la base. Effectivement. Le son, déjà, ça nous affecte tous. On est très touché émotivement par le son depuis tout petit, en fait. Mais le son, de façon assez simple, tout le monde sait que c'est une vibration de façon expérientielle. Si on met la main sur notre gorge pendant qu'on parle, on sent très bien qu'il y a une vibration. C'est probablement le premier son qu'on a fait lorsqu'on est sorti du ventre de notre mère. Et donc, on a su dès le départ que le son, c'était une vibration. Donc, tout objet qui vibre va émettre un son, peut émettre un son qu'on peut entendre. Maintenant, c'est beau de dire ça, mais qu'est-ce que ça a donné par la suite, en fait? Bon, là, on pourrait faire une histoire de la musique et tout, mais ce qui est particulièrement intéressant, ce qui m'intéresse évidemment en tant que physicien, c'est l'aspect justement physique et peut-être plus mathématique du son. Donc, on dit un objet qui vibre, ça fait du son, mais ça a pris du temps avant de définir le son autrement que par les notes. Okay. Aujourd'hui, quand on parle du son, vous avez peut-être des stéréos chez vous, des systèmes de son, où on a un equalizer, ou bien dans la voiture, on a un treble basse, on ajuste les basses, les trebles les plus aigus, tout ça. Donc ça parle de la fréquence, du fait que le son peut être aigu ou grave, puis on peut jouer avec ça. Mais pendant très longtemps, en fait, on parle du son en termes de notes seulement. En termes de, la, etc., do, ré, mi, etc., ou en termes de hauteur, aigu, grave, mais pas en termes de fréquence spécifiquement. Okay. Donc, un son peut être défini, on l'a défini longtemps, par ses différentes caractéristiques associées aux instruments de musique. Okay. Quand on a une guitare, on peut avoir des grosses cordes ou des petites cordes. Les grosses cordes vont en général jouer des notes qui sont plus graves. Effectivement. Si on tend la corde plus, ça va jouer une note qui est plus aiguë. Donc, on a défini les sons de cette façon-là. Est-ce que mon son va être plus grave? Oui, tu as juste à prendre une corde plus grosse ou une corde plus longue. Ou plus lâche, etc. Donc, ça, c'est pour les cordes. Mais pour les instruments avant, c'est pareil. Des flûtes plus grosses vont en général sonner plus grave. Des instruments, des percussions, la même chose. Si on a un tambour qui est plus gros, il va sonner plus grave, etc. Donc, on a décrit les sons et leur hauteur, donc aigu ou grave, par les instruments, par les caractéristiques des instruments eux-mêmes. Il faut attendre, en fait, les années 1600 avant que, de façon un peu fortuite, quelqu'un se penche sur cette idée-là puis arrive avec l'idée de fréquence qu'on a aujourd'hui et qui est tout à fait importante dans plein de domaines en science. En fait, on parle ici de Galilée, encore ce fameux Galilée, père de la physique, qui a été important aussi pour ce qui est de la musique. Son père était un musicien professionnel. Donc, Galilée a eu une formation musicale depuis sa tendre jeunesse. Est-ce qu'on sait de quel instrument il jouait, son père? C'est une bonne question. Moi, je ne le sais pas. Probablement qu'on le sait sûrement, mais personnellement, je ne le sais pas. Mais c'était un musicien reconnu. Il était professeur de physique et tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Galilée, grâce à sa rampe, en fait, là, quand il a étudié le mouvement, dans sa rampe, il y avait des clochettes. Je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une chronique. Donc, il écoutait les objets tomber. C'est comme ça qu'il a pu arriver avec sa loi des corps qui chutent. Donc, il écoutait. Encore une fois, c'était très important, cette idée du son. Donc, l'histoire raconte, en fait, lui-même raconte dans son livre « Discours concernant deux sciences nouvelles » qu'il gratte des plaques, prépare une expérience, puis en grattant des plaques, comme tout le monde a fait l'expérience, parfois peut-être en grattant ses ongles sur un tableau, le fameux son que tout le monde déteste. Très désagréable. Exact. Eh bien, il fait ce son-là. Puis là, ça l'énerve un peu, mais il remarque que sur sa plaque de métal, le couteau avec lequel il a gratté, en plus de faire le son commun, il regarde et ça fait, en fait, ça, c'est, au lieu d'être une ligne continue, c'est plein de petites encoches. Comme si son couteau avait donné des coups. Tac, tac, tac, tac, tac. Okay. Ça l'intrigue particulièrement. Fait qu'il continue à gratter puis à faire des sons, différents sons. Puis il se rend compte que les sons graves font moins d'encoches pour la même longueur que les sons aigus. Okay. Et là, donc, en fait, c'est là qu'on fait le parallèle et c'est là que l'idée de fréquence apparaît. Une fréquence, en fait, définie simplement, c'est un événement qui se répète un certain nombre de fois par unité de temps. Exactement. On peut dire ici la seconde. C'est ça. Hein? Donc, son couteau cognait un certain nombre de fois par seconde, puis il cognait plus de fois pour un son aigu que pour un son grave. Mais là, c'est bizarre. Les auditeurs vont se dire, attends un petit peu, un son aigu qui est quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est saccadé, mais qui est trop, en fait, une trop grande fréquence pour qu'on puisse entendre chacun des coups saccadés, bien, effectivement, c'est comme ça qu'on va le définir à partir de là. Et le nombre de coups, donc la fréquence, va déterminer la hauteur des notes. Donc, on ne se référera plus à la grosseur des cordes, à la longueur des cordes, tout ça, mais à la vibration des objets eux-mêmes. Okay. Donc, on en revient à la physique. Exact, à la physique de ce qui se passe réellement. Donc, une fois qu'on a ça, bien, ça mène à plusieurs choses. En fait, peut-être que vous avez déjà refait même l'expérience de Galilée, où, sans trop le savoir, moi, quand j'étais plus jeune, je mettais des cartes à jouer sur le cadre de mon vélo pour faire aussi claquer. Ouais. Bon, voilà, on aimait bien avoir l'air des Harley Davidson. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Puis aujourd'hui, ben, à travers les conférences de démonstration que je donne au centre de démonstration, les jeunes me disent « Ah non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des bouteilles d'eau entre le cadre et le pneu. » Fait que là, ça fait plus tac tac tac, ça fait zzzz, parce que c'est les crampons du pneu qui passent, puis il y en a plus, donc ça fait une plus grande fréquence. Donc, un son plus aigu. Mais, justement, quand on fait cette expérience-là, puis on va de plus en plus vite, on se rend bien compte que la carte tape plus de fois sur les rayons, puis ça fait un son plus aigu. Ça augmente. Même chose avec le pneu. Uh-huh. C'est la même chose. Donc, on aura fait l'expérience de Galilée, mais 400 ans trop tard, on se retrouvera pas, nous, dans les livres d'histoire. Mais on en a, d'une certaine manière, une expérience première. Maintenant, donc, on fait un lien, à partir de cette époque-là, entre un chiffre, une fréquence et une note. OK. Ça va nous amener à faire des avancées, même dans le domaine qu'on ne penserait pas, qui ne sont pas en acoustique. Entre autres, en entomologie. Entomologie. Parce que, imaginez-vous, par une belle soirée, en camping, vous êtes sous la tente, tout ça, vous êtes dehors, en fait, regardez les étoiles, puis là, vous n'avez pas choisi la bonne période. Il y a un maringouin ou des mouches qui viennent vous énerver. Bien, le... ça a une fréquence donnée. C'est un son. On peut lui associer une fréquence, si on connaît un peu le parallèle entre les deux. Un maringouin, ça a une fréquence d'environ 700 Hz. Hein? Les maringouins, ils ne vous crient pas dans l'oreille. Non. C'est les battements d'ailes qui sont à l'origine de la fréquence ou du son du moustique. Ah bon, OK. Et donc, le son d'un moustique, c'est 700 battements d'ailes par seconde. Oh là là! Donc, en passant par l'idée du son, de la fréquence, etc., on peut parler de la physiologie des insectes. Puis d'ailleurs, on peut même déterminer si le moustique est une femelle ou un mâle, parce que la femelle bat des ailes plus lentement. Ah bon? Donc le son est plus grave. Exact. Ah bon? Exactement. Et donc, là, une mouche, c'est encore plus grave. L'abeille, c'est plus grave encore. Puis ceux qui ont déjà entendu voler des colibris, vous savez que c'est comme un vrombissement. Boum, très grave. C'est normal, les colibris battent des ailes à 80 Hz, 80 fois par seconde. Donc, tout ça pour dire qu'on peut faire des avancées dans d'autres domaines avec cette idée de fréquence qui est très féconde, finalement, comme je vous disais tantôt, dans plein de domaines de la physique et de la science en général. Même qu'en 2012, il y a une équipe qui va trouver un fossile. En fait, ils vont faire des recherches comme ça sur les sons, sur les fossiles. Ils vont trouver un fossile très bien conservé d'une espèce de sauterelle de 7 cm de long. Puis ils vont pouvoir voir le mécanisme qui est à l'œuvre encore aujourd'hui chez les sauterelles, les criquets et tout ça, qui permet à ces insectes de faire du son. Et en mesurant la distance entre chacune des petites bosses sur les ailes arrière, en fait, c'est les élytres qu'on appelle, ils ont pu reproduire le son de cet insecte qui a vécu il y a 165 millions d'années. Alors, je ne sais pas si on a l'enregistrement. On va vous faire entendre, en fait, un son fossile. OK. Alors, vous entendez présentement... Ce petit son ténu, là? Très, très aigu, exact. C'est le son de Archobolus musicus, qui a vécu il y a 165 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Et on est capable d'entendre aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun humain qui a pu l'entendre, puisque les humains n'existaient pas. Ah bon? OK. Et alors, il émet encore ce son-là, là, présentement? Alors, c'est pas une espèce qui existe encore, c'est une espèce éteinte, mais on a dû comparer avec des espèces vivantes aujourd'hui pour pouvoir savoir la vitesse de vibration des élytres pour pouvoir reproduire ce son-là. Mais c'est quand même fascinant d'imaginer qu'on est capable de reproduire un son que personne n'a pu écouter parce qu'on n'existait pas à cette époque-là. Donc voilà. Maintenant, on avance un peu plus dans le temps, puis cette idée de fréquence va être reprise, en fait, par le mathématicien français Joseph Fourier. En 1822, Joseph Fourier va publier une étude sur la propagation de la chaleur. Rien à voir, a priori, avec le son puis la fréquence, mais il va développer un outil mathématique pour parler de cette propagation de la chaleur, où, en fait, il va être capable de prendre n'importe quelle fonction. On pourrait imaginer le cours de la bourse à Toronto. Donc, c'est une fonction dans le temps. Hein, le cours de la bourse, il change tout ça à travers le temps. N'importe quelle fonction qui ressemble à ça ou n'importe quelle autre, il est capable de la reproduire en faisant une somme de fonctions beaucoup plus simples qu'on appelle des fonctions trigonométriques. Mm-hmm. Ça a l'air compliqué, mais en fait, quand vous dessinez un serpent là, ou des vagues sur une feuille, ça ressemble à un sinus. C'est une belle courbe comme un serpent. Donc, ça, c'est un sinus. Un sinus, ça a une fréquence. Hein? Donc, si vous faites un serpent qui va comme plus vite, ben, c'est une fréquence différente. Donc, Fourier venait de développer un outil qui permettait de décomposer n'importe quelle fonction en différentes fréquences. N'importe quel son? N'importe quel son. Donc, ça peut être une intensité sonore en fonction du temps. Ou n'importe quelle fonction aussi. Ou n'importe quelle fonction. En fait, ça pourrait être quelque chose qui est dans le temps, mais pas nécessairement, ça peut être quelque chose dans l'espace. On y reviendra. En fait, cette idée-là de la décomposition en fréquence, elle peut se faire pas juste dans le temps, mais dans l'espace aussi. C'est-à-dire que quand on prend une photo, les photos qu'on prend avec nos appareils photo, ben, on peut en mettre plus sur notre appareil photo aujourd'hui en format JPEG que si c'était en format RAW qu'on appelle. Uh-huh. Si on avait toutes les données de l'image, on pourrait en mettre beaucoup moins parce que ça prend beaucoup de place. Mais le format JPEG utilise une genre de décomposition en fréquence, mais c'est pas une fréquence dans le temps, dans ce cas-ci, c'est une fréquence dans l'espace. Combien? Ah ben, il y a tant de points blancs à tant d'intervalles, donc on est capable de réduire l'information de l'image et d'en faire un format plus petit. D'où l'idée que ce travail sur la fréquence nous amène très loin, dans des domaines qu'on n'aurait pas pensé autrement. Donc, Fourier met ça en place. On est capable, à partir de là, de décomposer n'importe quelle fonction en différentes fréquences. Et ça devient un outil puissant. On l'utilise, bon, j'en ai parlé tantôt un peu dans les equalizers. Vous avez peut-être déjà entendu, maintenant c'est moins pire, mais dans la radio AM, ou encore aujourd'hui, quand on prend des appels à la radio, on sait que c'est quelqu'un qui appelle parce que sa voix sonne un peu cacane. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'information qui se perd, quoi. Exactement. D'habitude, quand on appelle, ou pour la radio AM, on peut transporter moins d'informations. Donc, on réduit les fréquences, on coupe. Au lieu d'avoir un spectre de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, grosso modo le spectre de l'oreille humaine, ben on coupe. On coupe tout ce qui est en bas de 300 Hz, les sons très graves, et tout ce qui est en haut de 3 000 Hz, les sons très aigus. Ben, à ce moment-là, ça nous donne une voix un peu plus cacane. Oui, et ça paraît aussi, c'est plus aigu là, que les voix normales. Voilà. Donc, on peut utiliser ça pour faire des filtres. Je vous disais les MP3, les JPEG. Les MP3, c'est la même chose. La musique MP3, c'est une réduction du format du fichier grâce à un passage à la fréquence. Maintenant, il y a cette séparation en fréquence. On pourrait dire, ouais, mais c'est un artefact mathématique. En fait, on s'est rendu compte, en étudiant l'oreille humaine, que c'est comme ça que notre oreille fonctionne aussi. En faisant des expériences sur les rats, les scientifiques se sont rendus compte que s'ils exposaient des rats à une fréquence donnée pendant assez longtemps, puis que suite à la mort des animaux, ils regardaient la cochlée, qui est l'organe où les fréquences sont transformées dans le cerveau, puis puissent être transformées en influx nerveux et tout ça, on s'est rendu compte que la cochlée, c'est comme un petit colimaçon retourné sur lui-même. Donc, si on le déroule, ça fait quelque chose qui est spatialement étendu. Bien, une fréquence donnée, quand on a exposé les rats à une musique très forte d'une fréquence donnée, les cellules à un endroit donné étaient mortes. Si on l'exposait à une autre fréquence, c'était un autre endroit sur la cochlée où toutes les cellules étaient mortes. Donc, on s'est rendu compte que spatialement dans la cochlée, ça représentait différentes fréquences. Okay. Donc, même la cochlée décompose le son en différentes fréquences pour pouvoir nous la faire entendre. Exactement. Donc, la biologie se sert aussi de cette idée de fréquence. Bon, un peu différemment. Et là, aujourd'hui, et c'est là où je voulais un peu en venir. Aujourd'hui, ben, y a plein de technologies. Tout le monde utilise leur téléphone cellulaire, parle à Siri, parle à OK Google, etc. On veut savoir plein de choses, puis on parle à nos bébelles électroniques. Et ça passe par une décomposition en fréquence de la voix pour analyser les phonèmes, etc., pour reconnaître la voix, pour pouvoir vous parler à nouveau. On a une voix de synthèse. Il y a même une compagnie de Montréal qui s'appelle Lyrebird. Vous pouvez aller sur leur site, lyrebird.ai ou .ia, plutôt IA. C'est donc une compagnie qui vous propose de reproduire votre voix avec aussi peu qu'une minute d'enregistrement de votre voix. Mais elle peut la reproduire puis lui faire dire n'importe quoi. Okay. Autrement dit, vous lisez une minute de texte à l'écran, vous l'enregistrez, et la compagnie vous propose après ça d'écrire n'importe quoi dans une boîte de texte, puis la compagnie va lire cette chose-là avec votre propre voix. Mm-hmm. Puis là, ils ont des exemples. En fait, ils font parler Barack Obama ou Donald Trump et leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dites parce qu'ils pourraient juste l'avoir écrit. Donc ça, c'est fascinant. Ça pourrait être épeurant pour certains parce qu'on se dit, avec toute l'histoire des fausses nouvelles et tout, on va pouvoir faire dire un peu n'importe quoi. Mais ces compagnies-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de proposer ça, qui peut être ludique, qui peut être utilisé en art ou de toutes sortes de manières, on peut aussi imaginer qu'on utilise ça pour déceler des gens qui feraient des faux enregistrements. Donc souvent, ces gens-là ont la capacité de déceler des enregistrements qui seraient des faux. Mais d'ailleurs, mon téléphone cellulaire, moi, il reconnaît ma propre voix. Là. Donc, tu lui parles, puis il se réveille? Oui. Effectivement, hein? Mais il ne fait pas avec quelqu'un d'autre. Ah! Hein? Intéressant. C'est déjà des applications. Donc, hein? Je ne peux pas parler à ton téléphone, François. C'est dommage. Ça me coupe d'un compagnon peut-être intéressant. Voilà. Et ben, tout ça nous amène à une dernière chose que je voulais vous mentionner. Oui. En fait, le temps passe. Oui, c'est ça. En fait, il y a Bernie Krause, que peut-être certains connaissent parce qu'il a été important. En fait, il a travaillé, il a fait de la musique, ce personnage. Il est rendu à 75 ans, mais il fait la promotion de l'écologie du paysage sonore. Il a travaillé donc beaucoup avec The Doors, George Harrison. Il fait de la musique de films assez connus comme Apocalypse Now, Rosemary's Baby, donc très connu. Mais dans la deuxième partie de sa vie, il s'est beaucoup intéressé au paysage sonore. C'est-à-dire, il allait enregistrer dans la nature, la géophonie qu'on appelle, donc les bruits de la nature inorganique, disons, les bruits de la biophonie qu'on appelle, les bruits de la nature, la faune et tout ça, et les bruits d'origine humaine. Et il s'est rendu compte que ça pouvait nous donner énormément d'informations bien avant d'avoir de l'information, disons, visuelle sur l'état écologique d'un habitat, d'un écosystème. Et un des exemples qu'il donne, c'est qu'aux États-Unis, en 88, il y avait une compagnie forestière qui voulait exploiter pendant un an une région. Lui, il est allé enregistrer juste avant le paysage sonore. La compagnie a fait son travail. Il est revenu un an après. La compagnie a dit... Voilà, ça n'a rien changé, vous voyez, il avait montré des photos, ça n'a rien changé, on a fait des coupes sélectives et tout et tout. Lui, il est retourné enregistrer, il a montré que dans le paysage sonore enregistré, il y avait eu une perte incroyable de fréquences enregistrées, de types d'animaux, en fait, beaucoup d'oiseaux avaient disparu, les cris de ces oiseaux-là avaient disparu. Et donc, depuis 2013, lui, il fait la promotion de cette écologie par paysage sonore où, en fait, il y a un bel adage et je finirai avec ça. Oui. Il dit « Une image vaut mille mots, mais un paysage sonore vaut mille images. » Ah, ça, c'est bien, ça. Merci infiniment, Dominique, pour ces explications. C'était vraiment fascinant. Je rappelle que tu es coordonnateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques de Québec. Et pour vous, chers auditeurs, restez avec nous. Nous allons vous parler d'ibuprofène et d'infertilité.